悪いことだ。 いいね。 Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre vol EasyJet 4029 à destination de Toulouse. Nous allons procéder à l'embarquement, invitant les nouveaux promis dans les passagers du groupe City Boarding, groupe SB, à se présenter porte B18 pour un embarquement immédiat. Deuxième gentleman, welcome on your flight EasyJet 4027 to Toulouse. We invite our first passenger traveling on group SB, group City Boarding, to proceed immediately to gate B18. Thank you.